Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Fred, c'est samedi, c'est l'été et c'est l'heure de notre émission. On va démarrer tout de suite avec la découverte. Une artiste que pas beaucoup connaissent à mon avis. J'ai choisi Melba Moore avec son titre Your Sweet Loving, sorti en 1981. La chanteuse est née en 1945 à New York et elle va sortir une quinzaine d'albums, dont un live. Le morceau est extrait de What a Woman Needs. Je l'ai trouvé très bien pour une découverte, pas vous? C'est parti! Alors la double dose aujourd'hui, c'est le groupe Sister Sledge, à qui on va faire honneur. Le groupe se forme en 1971. L'une des particularités de celui-ci, c'est qu'il est formé de quatre sœurs. Déborah, la plus âgée, Joanne, Kim et Cathy. Elles sortent plusieurs singles durant leur début en adoptant un style proche des Supremes. Leurs premières années seront assez difficiles, elles succèdent tard à leur sourire. Elles feront une tournée avec les Spinners et même un concert aux Zaïre juste avant le match de boxe Ali Foreman. Parallèlement à leur activité, Cathy joue dans la comédie musicale Le Magicien d'Oz. Ils sont sur le point d'abandonner leur carrière quand leur maison de disques leur fait rencontrer Nile Rodgers de Chic. Ni une ni deux, la collaboration débouche sur un tube, He's the Greatest Dancer. Pour l'anecdote, c'est Chic qui, normalement, devait interpréter le morceau et Sister Sledge aurait dû chanter « I Want Your Love ». Il fut décidé que Sister Sledge ferait les chœurs de « I Want Your Love » et que les interprètes interpréterait « He's the Greatest Dancer ». Bonne pioche pour le coup, car c'est numéro 1 partout. Suivront « We Are Family » et « Lost in Music », eux aussi très haut classés. Début 80 paraît « Love Somebody Today », dont est extrait « Go to Love Somebody », qui est aussi un hit. Durant cette décennie, les tubes se succèdent. All American Girl, Thinking of You et Funky. À partir de la seconde moitié des années 80, elles se consacrent à l'écriture de bandes originales de films et sortent des remixes de leurs tubes passés. Beaucoup de compilations sortiront durant les années 90 avec quelques inédits, dont des reprises des chansons de Chic. Alors aujourd'hui, le groupe ne comporte plus que 3 des 4 sœurs, Joanne étant décédée en 2017. Alors on va passer maintenant à l'écoute, on ne peut pas passer à côté de He's the Greatest Dancer, et j'ai choisi Got to Love Somebody. Let's go! Dancer, oh what the world that I've ever seen. I love the moon. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Alors pour le maxi du jour, on va voyager. Si je vous dis Lakeside, vous me dites fantastique voyage bien sûr. Le groupe est originaire des USA. Il fut créé en 1971, alors il a connu plusieurs noms durant son existence. Il s'appelle d'abord The Nomad, puis The Nomad and the Underground, puis Ohio Lakeside Express, pour finir par Lakeside tout court. Ça en fait des détours. Leur seul titre connu est celui que je vais vous faire écouter. Let's go! Won't feel the dance, it ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles in your 9 to 5 and just sail on. That's what you do, just sail on. Now the dude's so funky, hey, what do you think? What is it called? It's called a Lakeside Stank. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, c'est l'heure de l'instant français. Aujourd'hui, on va revenir sur Céron. On va déguster Supernature, qui, je pense, est son titre le plus connu. Il sort en septembre 1977 en deux versions. Une version 45 tours de 3 minutes 50 et une version club de plus de 10 minutes. L'histoire raconte un futur où l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture a créé des monstres qui cherchent à se venger des hommes. Ah, méfiance, méfiance. Pour obtenir un son extrêmement pur, Céron enregistre chaque ton et chaque cymbale séparément pour obtenir un résultat magnifique. Vous allez vous en rendre compte maintenant. À la fin, c'est la pépite, et ça tombe bien, c'est tout de suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté un petit Cool and the Gang. Ça va être chose faite, car j'ai sélectionné comme pépite Be My Lady. Sorti en 1981, le morceau est tiré de l'album Something Special. Comme toujours, c'est du bon funk. C'est parti. C'est déjà fini, j'ai passé un super moment avec vous sur Fatjet et quelque chose me dit qu'on va très bientôt se retrouver, bah pourquoi pas semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est parti, allez, bye bye.